Section 36 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 3e, Formation des grands États, 1270-1492, publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud. Chapitre 8, troisième partie, Le commerce, les villes, les institutions territoriales, par Henri Pirenne. Le commerce. Les facteurs essentiels de la civilisation dans les Pays-Bas ont été de tout temps le commerce et l'industrie. Ils y ont créé ces grandes villes manufacturières dont l'influence n'a cessé d'être prépondérante sur le développement de la vie nationale et lui a donné un caractère bien marqué d'originalité. Au commencement du Moyen Âge, les grands fleuves qui traversent les Pays-Bas, la Meuse, le Rhin et l'Escaut, en sont les grandes voies commerciales. Le commerce lotharingien est alors tout entier orienté vers Cologne, le grand port de l'Allemagne, sous les dynasties saxonnes et franconiennes. D'ailleurs, des liens encore solides rattache à cette époque la Lotharingie à l'Empire et le mouvement économique s'y porte nécessairement vers l'Est. Au XIe siècle, des marchands de Frise aussi bien que de Liège, de Huy et de Namur sont mentionnés à Cologne, à Worms, à Koblenz. Les Dinantais vont jusqu'aux mines de Goslar chercher le cuivre et l'étain nécessaires à leur industrie. C'est au contraire vers les côtes de la mer du Nord que se dirige le commerce dans le bassin de l'Escaut. Sous les rois anglo-saxons, des Flamands en grand nombre trafiquent déjà en Angleterre. Bruges est dès le Xe siècle qualifié d'emporium, et on a trouvé jusqu'en Jutland d'antiques monnaies frappées dans cette ville. Ainsi, au début, au point de vue économique aussi bien qu'au point de vue politique, les deux parties des Pays-Bas apparaissent comme des pays complètement étrangers l'un à l'autre. Mais cet état de choses se modifie profondément à partir du XIIe siècle. Quand à l'époque des croisades, une vie économique active reprend en Europe, la Flandre devient bientôt un des grands entrepôts du commerce occidental. Située au point de rencontre des deux courants commerciaux, qui partant de Constantinople traversent l'un la Russie et la mer Baltique, l'autre la Méditerranée et la France, elle voit affluer dans ses ports les marchandises du monde entier. Le tarif du tonlieu de dame, rédigé en 1252, montre déjà combien sont étendues alors les relations de ce pays avec l'Orient. On y trouve mentionné en effet l'alun, le cuivre, la colophane, le lapis-lazuli, divers bois de teinture, etc. À la même époque, des textes parlent de marchands flamands associés à des marchands musulmans de Syrie. On comprend facilement que la Lotharingie ne pouvait tarder longtemps à être entraînée dans le puissant mouvement d'affaires dont la Flandre était le centre. Dès la fin du XIIe siècle, c'est vers Damme et Bruges que converge toute l'activité économique des pays qui s'étendent de la Meuse à l'Escaut. Le commerce des Pays-Bas, partagé à l'origine entre deux directions différentes, se porte maintenant tout entier vers l'ouest. Lorsque le chroniqueur Régnier note que pour la première fois en 1198, du vin de La Rochelle venu par la Flandre fut débarqué à Liège, où l'on avait connu jusque-là que les vins du Rhin et de la Moselle, il marque, par ce simple petit fait, toute une révolution économique. Au XIVe siècle, l'importance des ports de la Flandre s'est encore accrue. Les Anséates fixent à Bruges leur comptoir principal sur le continent. L'ordre teutonique y établit des agences commerciales. Les Lombards y installent des banques. Toutes les nations de l'Occident y sont représentées. Les Espagnols, les Italiens, les Portugais, les Anglais, les Français y construisent des maisons, à la fois entrepôts et hôtelleries, dont quelques-unes existent encore aujourd'hui. Dans un tel milieu, le droit commercial ne pouvait manquer de se développer. Les jugements de dames devinrent un des recueils les plus répandus du droit maritime au Moyen Âge. 100 ans plus tard, cette étonnante prospérité commence à diminuer. Les troubles civils de la Flandre inquiètent les marchands étrangers. Déjà, les rois d'Angleterre ont à diverses reprises transporté soit à Dordrecht, soit à Middelbourg, soit à Anvers, l'étape des laines. L'ensablement des passes du Svin fut plus fatal encore. Les gros bateaux ne peuvent plus monter jusqu'au fond du golfe et les dragages ne parviennent pas à enrayer le mal. Au XVe siècle, le commerce se déplace vers Anvers. Quand tous les Pays-Bas sont réunis sous les ducs de Bourgogne, cette ville l'emporte décidément. Sa situation centrale, son éloignement des côtes sur un fleuve profond et sûr, lui donne désormais le premier rang. Elle est déjà une grande place marchande sous Philippe le Bon. Elle sera, sous Charles Quint, le plus grand port d'Europe. L'industrie. Ce n'est pas seulement pour débarquer les marchandises que les navires de la mer Baltique, de l'océan et de la Méditerranée abordent aux côtes de Flandre. C'est aussi pour en prendre. Dam est à la fois un port d'exportation et d'importation, comme aujourd'hui, par exemple, celui de Liverpool. Si la vie commerciale est intense, en effet dans les Pays-Bas, la vie industrielle ne l'est pas moins. À l'époque romaine, les Morins et les Ménapiens fabriquaient déjà des draps. Dès les premiers siècles du Moyen-Âge, dans les gynécées des bords de l'Escaut, le filage et le tissage de la laine étaient exercés très activement. Au XIe siècle, le travail libre commence à se substituer au travail servile. Arras, Ypres, Gand deviennent des villes drapières. Guillaume le Breton parle avec admiration des beaux tissus que l'on y confectionnait. Au XIIIe et au XIVe siècle, ils sont connus et exportés dans toute l'Europe. Pour la souplesse, la finesse, la beauté des couleurs, ils sont sans rivaux. La technique a atteint en Flandre de très bonne heure une perfection extraordinaire, et l'on voit, par la réglementation minutieuse qu'imposent aux tisserands, aux foulons, aux tondeurs, aux teinturiers, les chartes de leur métier, le souci constant de la maintenir et de l'améliorer. Du reste, ce n'est pas seulement dans les grandes villes que l'industrie du drap est pratiquée. Elle est répandue dans tout le pays. À Courtrai, à Alost, à Audenarde, à Termonde, à Furnes, à Dixmude, à Poperinge, à Bergue, à Cassel, comme à Ypres ou à Gand, du lever au coucher du soleil, les métiers battent sans interruption. Ainsi, la Flandre du Moyen-Âge ressemble de très près à nos pays de grande industrie. Elle en a, dès lors, tous les caractères essentiels. Comme à la Belgique ou à l'Angleterre moderne, les matières premières lui viennent de l'étranger. La laine des bergeries du pays ne suffit plus depuis longtemps. On en tire de la Grande-Bretagne et d'Espagne. Sous Édouard Ier, le Parlement de Londres constate que le plus clair des revenus de la couronne consiste dans le produit de la vente des laines exportées en Flandre. Privé de nos laines, dit plus tard le Libel of English Policy, 1436, les Flamands ne peuvent rien. Sans elles, ils devraient renoncer à leurs richesses et seraient en proie à la famine. Ils l'ont été en effet, et plus d'une fois. Car dès la fin du XIIIe siècle, la Flandre souffre de cette maladie propre à tous les états purement industriels, la surpopulation. Guy de Dampierre écrit déjà que le comté de Luy ne se peut sévir, c'est ailleurs ne l'y vient. Et le mal, avec le temps, ne fait que s'aggraver. L'agriculture nationale ne peut plus nourrir ces puissantes agglomérations urbaines qui augmentent d'année en année. On est obligé d'importer les grains, le vin, même une partie de la bière. Et cela ne suffit pas encore. Vient une guerre, une crise prolongée, l'artisan affamé doit émigrer. On rencontre partout en Europe des tisserands flamands. À Reims, à Vienne, dans toute l'Autriche, mais surtout en Angleterre, où ils vont introduire une industrie qui tuera plus tard celle de la mère patrie. On commence déjà à s'en apercevoir à la fin du XIVe siècle. L'industrie flamande réclame dès lors des mesures protectionnistes. Cependant, au XIIIe et au XIVe siècle, le travail de la laine n'est pas confiné en Flandre. Il a bientôt gagné les territoires voisins. Les comtes de Hollande l'ont introduit dans leurs états. Ils font venir à l'aide des tisserands flamands. Les comtes de Hainaut, de leur côté, le favorisent à Valenciennes, l'établissent à Mons. En Brabant, Bruxelles, Malines, Louvain surtout, deviennent de grandes villes manufacturières. Sur la Meuse, Huy, Dinan, Maastricht suivent leur exemple. Si la fabrication du drap est vraiment l'industrie nationale des Pays-Bas, il s'en faut de beaucoup qu'elle soit leur seule industrie. Sur les côtes de la mer du Nord, la pêche du hareng et de la morue est une source abondante de richesses. Le poisson salé s'expédie de là, dans le nord de la France et jusqu'au Rhin. À Liège, l'extraction de la houille occupe au XIVe siècle des centaines de mineurs. Dinan, la seule ville belge qui ait fait partie de la Hanse teutonique, s'acquiert une renommée universelle par la fabrication de ces objets, en cuivre fondu ou repoussé, que les archéologues désignent encore sous le nom de dinanderie. Dans le Hainaut, dans la haute vallée de la Meuse, on exploite les carrières de marbre et de pierre de construction. Enfin, au XVe siècle, grâce au faste de la cour de Bourgogne, les métiers de luxe se répandent en Flandre et en Brabant et alimentent, pour une bonne part, le commerce d'exportation. Cette puissante vitalité commerciale et industrielle a contribué autant que la politique à faire les Pays-Bas. Sous la force d'attraction qu'exercent les grands ports de la côte, leurs divers territoires se sont, pour ainsi dire, tous orientés dans le même sens. En dépit de la diversité des races et des langues, l'unité de la vie économique les a réunis dans une même activité. Dans un état exclusivement agricole, les différences ethniques s'effacent difficilement. Les races restent à côté les unes des autres, défiantes ou hostiles. Dans un pays de ville, au contraire, les intérêts commerciaux, primant tout le reste, introduisent nécessairement une sorte de cosmopolitisme. Il est impossible à un peuple d'artisans et d'industriels de vivre renfermé en lui-même sans rapport avec ses voisins. On l'a bien vu dans les Pays-Bas. Dès le XIIIe siècle, leurs principautés négocient entre elles pour la libre circulation des marchandises et le cours des monnaies. La Hanse de Londres, dont le centre est à Bruges, comprend des villes wallonnes. Au XIVe siècle, des traités de commerce sont conclus entre le Brabant, le Hainaut, la Hollande et la Flandre. Un peu plus tard, en 1358, la joyeuse entrée de Brabant déclare perpétuelle l'alliance entre la Flandre et le pays de Liège. Les villes. À l'exception de Tournai, aucune des grandes villes des Pays-Bas ne date de l'époque romaine. C'est au Moyen-Âge seulement qu'elles apparaissent. Elles se sont formées naturellement, spontanément, sous l'action du commerce et de l'industrie. Au bord des voies commerciales, des fleuves d'abord, puis plus tard des routes, qui du Rhin se dirigent vers les ports de Flandre, elles s'élèvent de proche en proche, comme aujourd'hui les villes américaines le long des railways du Far West. Dès le XIIe siècle, entre la Meuse et la mer, le pays en est couvert, et au XIIIe siècle, il s'enfonde encore au milieu des bruyères de la Campine et sur les frontières de la Frise. Nulle part en Europe, si ce n'est en Lombardie, elles ne sont aussi nombreuses et aussi riches. De siècle en siècle, elles doivent élargir leur ceinture de murailles. Bientôt, de l'enceinte nouvelle devenue trop étroite, la population déborde et de longs faubourgs se bâtissent en dehors des portes. Au XIVe siècle, Bruges et Gand renferment de 80 000 à 100 000 habitants. Ypres, décimée par la peste en 1316, met sur pied en 1360, pour une simple expédition contre Alost, 2300 hommes. Le chroniqueur Gilles de Muisy estime que dans son temps, la population moyenne d'une ville est de 20 000 habitants. Le patriarcat urbain. Tout entière occupée de commerce et d'industrie, la population urbaine se répartit dès l'origine en deux groupes bien distincts, celui des marchands et celui des artisans. Dans les villes de l'Ouest, les marchands, jusqu'au XVe siècle, sont organisés en gildes, guildes ou hanses. On constate l'existence de ces corporations en Flandre, en Hollande et surtout en Brabant. Tout d'abord, associations de défense et de protection mutuelle, les guildes, à la fin du XIIIe siècle, sont devenues aristocratiques. On peut les comparer assez exactement à des syndicats de capitalistes. Mais ces syndicats sont soigneusement fermés. Leurs membres, qui dans la ville jouissent du monopole du commerce, ne font place qu'à bon escient à de nouveaux venus. Le parvenu, l'artisan enrichi, ne peut devenir Gilles de Brodeur, frère de la guilde, qu'en abandonnant son métier et en payant un lourd droit d'entrée. Naturellement, la concentration de la puissance économique aux mains d'un petit nombre de privilégiés leur a donné par surcroît la puissance politique. Du jour où les villes s'administrèrent elles-mêmes, ce sont les membres de la guilde qui exercent le gouvernement municipal. C'est parmi eux que se recrutent les échevins, les jurés et la foule des autres fonctionnaires urbains. Reward, Winders, inspecteurs des métiers, connétables, capitaines de quartier, percepteurs des impôts, etc. En réalité, les villes sont alors régies par une plutocratie qui confond leurs intérêts avec les siens. Partout, le spectacle est le même. Dans les communes du pays de Liège, où les guildes n'existent pas, l'influence des grands bourgeois n'est ni moins prépondérante, ni moins exclusive qu'en Flandre. Cette administration a toutes les qualités, mais aussi tous les défauts d'un gouvernement de classe. Elle est habile, énergique, prudente, rompue aux affaires. Elle s'entend à merveille à augmenter les privilèges commerciaux des villes, à favoriser leur industrie. Mais par contre, elle est autoritaire, jalouse de ses privilèges, dure, orgueilleuse, partiale. Les patriciens qui siègent au conseil se font appeler maîtres et seigneurs. Par leur genre de vie, par leur costume, ils affichent aux yeux des artisans leur supériorité sociale. À vrai dire, ils forment presque une caste et semblent se croire d'une autre espèce que les gens de métier. Une cureuse de Gand, sur le rapt des filles, contient à cet égard un paragraphe caractéristique. « Si quelqu'un, y lit-on, enlève la fille d'un pauvre, filiam pauperis, dans l'intention, non de l'épouser, mais d'en faire sa maîtresse, il ne sera pas puni de l'amende. » Inégaux devant la loi civile, les riches et les pauvres le sont bien plus encore dans la vie politique. Les échevins, justes et délibèrent à porte close, dans la guilde Halle, construite à leurs frais et dont les vastes magasins sont pleins de leurs marchandises. Ils s'y sentent chez eux, dans leurs propriétés particulières, et il n'est pas étonnant dès lors qu'ils oublient souvent leur caractère de fonctionnaires publics. De très bonne heure, des plaintes se font entendre contre leur gestion. On les accuse de détourner à leur profit le produit des impôts. Celui qui fait un pas pour acheter l'échevinage, dit Boendal, achète l'enfer, car sur 10 échevins, à peine un seul tient équitablement la balance. L'amitié, l'envie, des cadeaux, des parents lui font à chaque heure du jour déserter la justice. Il est aveugle à tel point qu'il ne reconnaît plus le droit. Les métiers. En face de la guilde ou des lignages, les artisans sont répartis en métiers, Nieringen, Ambarton. Élaborés dans le conseil de la ville, les règlements de métiers sont l'œuvre exclusive des grands bourgeois. Ainsi, ce sont les patrons et les patrons seuls qui, souverainement, organisent le travail industriel. C'est eux qui établissent le taux des salaires, et c'est encore eux qui nomment les chefs des corporations ouvrières. Doyens, jurés, Rewards, Winder, Knappen, etc. Dès lors, des conflits doivent éclater fatalement. Les artisans, à partir du commencement du XIIIe siècle, cherchent à secouer la tutelle du patriciat. Les métiers de grande industrie, en Flandre et en Brabant, les tisserons et les foulons, à Dinan, les batteurs de cuivre, à Liège, les houilleurs, plus puissants et d'ailleurs plus directement exploités que les autres, donnent l'exemple. À Léo, en 1248, on doit déjà défendre aux foulons de provoquer la création d'un conseil commun. En 1249, Anvers, Louvain, Bruxelles, Lierre, Tirlemont, Léo, Dieste, Malines, Maastricht, Huy et Gand s'engagent mutuellement à ne pas donner asile aux artisans qui auront conspiré contre le conseil. En 1255, les batteurs de Dinan s'emparent de l'administration de la ville. À la fin du XIIIe siècle, les règlements oppressifs imposés par les marchands drapiers d'Ypres aux tisserands font éclater les meutes de la Coquerulle. Bientôt après, la bataille de Courtrai, 1302, est le signal d'un soulèvement général dans les Pays-Bas, et pendant tout le XIVe siècle, entre les deux parties hostiles, patriciens et métiers, la lutte est incessante. Les chroniques de ce temps-là sont pleines de récits de combats dans les rues et de massacres. À Liège, en 1312, le peuple refoule les lignages dans l'église de Saint-Martin, barricadent les portes, puis, impitoyablement, met le feu à l'édifice. À Louvain, en 1378, les échevins des fenêtres de l'hôtel de ville sont précipités sur les piques des artisans. Et le contre-coup des violents mouvements dont les communes sont ébranlées se fait sentir bien au-delà de leurs murailles. On a vu plus haut le rôle prépondérant que les villes ont joué dans l'histoire des rapports entre la Flandre et la France, entre le pays de Liège et les ducs de Bourgogne. Dans toutes les questions qui s'agitent alors, on retrouve leur influence. La noblesse elle-même n'y échappe pas. Ces factions hostiles s'allient, les unes aux artisans, les autres aux patriciens. Ainsi, malgré la diversité des intérêts sociaux et des différences locales, les Pays-Bas, comme l'Italie entre les Guelfes et les Gibelins, sont divisés en deux camps ennemis. Leliaerts et Clovaerts en Flandre, Eux et Cabeljau en Hollande, Aouane et Warou dans le pays de Liège. Les villes sous le gouvernement démocratique. Vers le milieu du XIVe siècle, le Parti populaire l'a remporté presque partout. Gand et Liège surtout se sont donnés à cette époque des constitutions démocratiques dont l'exclusivisme est aussi absolu que l'était jadis celui du gouvernement patricien. Désormais, les métiers seuls nomment le conseil. Il n'a plus de place pour ces « bonnes gens », pour ces « bourgeois héritables », viri héréditari, qui y ont si longtemps dominé. Mais il ne suffit pas aux artisans d'avoir triomphé dans les villes. Ils veulent maintenant s'emparer du gouvernement territorial. En Flandre, pendant que le comte s'est réfugié en France, les trois grandes villes, Ypres, Bruges et Gand, administrent le pays à leur gré, le divisent en quartiers, nomment et déposent les fonctionnaires, placent des garnisons dans les petites villes, bannissent les suspects et confisquent leurs biens. Tout de même, au bord de la Meuse, agissent Liège, Huy et Dinan. Peu ne s'en faut que les Pays-Bas, comme la Lombardie, ne se morcellent en petites républiques urbaines, indépendantes et souveraines. Par l'institution de la bourgeoisie foraine, le pouvoir des villes, en effet, déborde aux alentours, dans le plat pays, bien au-delà de leurs murailles. On appelle bourgeois forains ceux qui, sans habiter la ville, jouissent pourtant de ses franchises et de ses privilèges et se réclament de sa juridiction. À la fin du XIVe siècle, la Flandre et le pays de Liège sont pleins de ces bourgeois non-résidents qui, confiant dans la protection que leur accordent les grandes communes, résistent ouvertement aux officiers du prince et récusent la compétence de ses tribunaux. De son Ige, de dans la banlieue, à Défour dès le franquise, constate tristement Jacques de Hemricourt, mort en 1403, on ne trouve à ce midiex bourgeois qui avis ce recours ne adresse en nul cas à ce maître de la cité, Liège. Main hors endroit, ils ne nous suffisent mis à tenir en droit nos bourgeois. Et point n'en sume contence, haine volant se tenir tout le remanent de pays. Et ainsi font les autres bonnes villes. On a vu plus haut, par l'exemple des villes flamandes, comment la politique urbaine échoua. Les intérêts des grandes cités étaient trop différents pour qu'elles pussent longtemps rester d'accord. Dès le milieu du XIVe siècle, Bruges et Gand sont en guerre perpétuelle. D'autre part, ne se préoccupant que d'elles-mêmes, elles font subir aux petites communes une tyrannie insupportable. Les Yprois interdisent à Poperinge la fabrication du drap, et à plusieurs reprises, pour faire respecter leur défense, vont piller la ville. Les Gantois agissent de même à l'égard de Termonde. En outre, le gouvernement urbain est passé aux mains d'une démagogie turbulente. Quand les métiers s'assemblent pour nommer le conseil, chaque membre, le valet et l'apprenti comme le maître, dispose d'un suffrage égal. Ainsi, la souveraineté du nombre fait la loi. Les grandes corporations industrielles, sur lesquelles repose la prospérité de la ville, sont débordées par la coalition des petits métiers, qui n'ont point de poids change en le cité, ni à chant en de wer. À Dinan, tandis que les batteurs de cuivre veulent la paix avec le duc de Bourgogne, ce sont les métiers secondaires qui décrètent la résistance et provoquent finalement la destruction de la ville. À Gand, Jacques van Ardevelde, qui tient le parti des tisserands, est assassiné. la réaction monarchique. Dès lors, rien d'étonnant si de plus en plus nettement se dessine un mouvement en faveur de l'autorité du prince qui seul peut mettre fin à une situation intolérable. Jacques de Hemricourt écrit le patron de le temporalilate pour prouver que le mauvais et indiscret régiment des cités de Liège y casse de l'os les mâles avenus en pays. Le jurisconsulte Philippe de Lède, mort en 1380, compose pour le comte de Hollande son De cura republica et emploie son érudition de romaniste à lui démontrer que son premier soin doit être de tenir les villes en respect. Secondés par leur entourage de légistes, les ducs de Bourgogne sauront profiter de ces enseignements et accomplir une réforme qui a déjà triomphé dans les esprits. Sous leur règne, les villes cessent d'être des seigneuries collectives et sont subordonnées au pouvoir de l'État. Elles sont obligées de reconnaître la juridiction supérieure des conseils provinciaux. Elles perdent le droit de contracter des emprunts ou de modifier leurs impôts sans autorisation préalable. Défense est faite au métier de se rassembler en armes. Les magistrats locaux doivent partager désormais avec le bailli du souverain le pouvoir d'édicter des ordonnances et des règlements. Les commissaires seigneuriaux interviennent dans la nomination du conseil et assistent à la reddition des comptes de la commune. En même temps, le gouvernement municipal a cessé d'être tout entier aux mains des métiers. La population est habituellement répartie en nations ou membres, dont l'un comprend les marchands, tandis que les autres renferment chacun un certain nombre de corporations industrielles. À la tête de chaque membre se trouve un grand doyen, représentant de ses intérêts auprès de l'échevinage du conseil et de l'officier du prince. Enfin, même dans le grand conseil de la ville, Bridinried, Colassé, grande commune, que l'on doit consulter sur toutes les questions importantes, les gens de métier ne peuvent plus seuls faire la loi. À côté de leurs délégués, siègent les délégués de la guilde des lignages. Bref, à l'avenir, chaque faction de la bourgeoisie aura, dans la gestion des affaires municipales, une part proportionnée, non plus à son importance numérique, mais à son importance sociale. Les contributions territoriales avant les ducs de Bourgogne. L'action des villes n'apparaît pas moins grande dans l'histoire constitutionnelle que dans l'histoire politique. Déjà, à la fin du XIIIe siècle, les princes féodaux se voient forcés d'appeler à la cour, à côté de la noblesse et du clergé, les bourgeois des communes les plus importantes. Depuis en effet que les revenus domaniaux ne suffisent plus à couvrir les frais toujours croissants de la politique et de la guerre, il faut demander à l'impôt, à l'aide, B2, des ressources supplémentaires. Et comme en vertu des chartes, le seigneur ne peut taxer les villes suivant son bon plaisir, il doit, pour obtenir l'appui de leurs finances, négocier avec leurs représentants. Mais les grandes cités marchandes n'ouvrent pas gratuitement leurs caisses. Bientôt, elles exigent des garanties et réclament la création d'institutions de contrôle qui mettent à leur discrétion une bonne part de l'administration du pays. C'est surtout dans le Brabant et le pays de Liège que les constitutions nouvelles se dessinent le plus nettement. Dès la fin du règne du duc Jean III, les communes brabançonnes participent régulièrement aux affaires publiques. En 1312, la charte de Kortenberg leur accorde la surveillance de la perception des impôts. En même temps, est institué un conseil de 14 membres, 4 chevaliers et 10 bourgeois, pris dans les villes de Louvain, Bruxelles, Anvers, Bois-le-Duc, Tirlemont et Léo. Ce conseil se réunit toutes les 3 semaines. Il doit rechercher les abus commis par les fonctionnaires du prince et recevoir les plaintes des habitants. Si le duc s'obstine à ne pas faire justice, le pays peut se mettre en état de refus de service. Ce conseil disparaît à la fin du XIVe siècle. L'augmentation nécessaire du pouvoir central n'était pas compatible avec un contrôle qui n'avait d'autre sanction que la Révolution. D'ailleurs, l'utilité en avait disparu depuis que le Brabant avait obtenu une véritable constitution écrite déterminant les pouvoirs de l'autorité souveraine. Cette constitution porte le nom de Joyeuse Entrée, Bleed Incomst, parce que le duc devait y prêter serment lors de son avènement. Ses stipulations principales portent que les chartes du duché ainsi que le grand sceau seront placées sous la garde des Bonnevilles, que l'assentiment du pays est nécessaire pour que le duc puisse déclarer une guerre offensive, consentir à une cession de territoire, battre monnaie. les conseillers du prince doivent être nés et domiciliés en Brabant. Leur gestion, à leur sortie de charge, sera l'objet d'une enquête par laquelle les chefs de ville prendront une part prépondérante. Dans le pays de Liège, la constitution territoriale a été fixée par une série de paix qui s'échelonnent de la paix de Faix, 1316, à celle de Saint-Jacques, 1457. Toutes sont conclues entre l'évêque, le chapitre cathédral de Saint-Lambert, les nobles et les villes. Comme dans les autres principautés, ce sont les villes qui, ici encore, jouent le premier rôle. En 1343 est créé le tribunal des 22, composé de 4 membres du chapitre, de 4 gentilshommes et de 14 bourgeois. 4 de Liège, 2 de Huy, 2 de Dinan et les 6 autres de Tongres, de Saint-Tron, de Foss, de Thuin, de Louze et de Hasselt. Les attributions de ce tribunal sont presque les mêmes que celles du conseil de Kortenberg. Toutefois, il dura beaucoup plus longtemps et se maintint, avec quelques interruptions passagères, jusqu'en 1794. À la fin du Moyen-Âge, chaque territoire a ses états, parlement, staten. Au début, les princes délibéraient séparément avec la noblesse, le clergé et les villes, mais à dater du XVe siècle, les 3 ordres sont convoqués ensemble. D'ailleurs, après comme avant cette date, c'est à part que chaque groupe vote et prend ses décisions. Les États des Pays-Bas sont constitués en somme comme ceux de France et d'Allemagne. Ils ne ressemblent en rien à la Chambre des communes d'Angleterre. Entre les ordres dont ils se composent, il n'y a pas de fusion. La plupart du temps, les attributions des États se bornent au vote de l'impôt. Dans le pays de Liège seulement, le sens du pays est requis pour modifier la coutume ou établir une loi nouvelle. Cependant, on se tromperait gravement si l'on voyait dans ce sens du pays quelque chose d'analogue à l'expression de la volonté nationale. Même dans le pays de Liège, les États diffèrent profondément d'un parlement moderne. Ils ne renferment que les délégués des classes privilégiées. Les habitants du plat pays, c'est-à-dire la grande majorité de la population, n'y sont pas représentés. La coutume désigne soigneusement les nobles, les villes et les abbés qui y ont droit de séance. En outre, le mandat des délégués est strictement impératif. Ils ne sont que les porte-parole de leurs mandants et dans aucun cas ils ne peuvent les engager sans leur assentiment. Les institutions centrales. Maîtres des Pays-Bas, les ducs de Bourgogne s'imposèrent une double tâche. Premièrement, augmenter dans le gouvernement l'autorité du prince. Deuxièmement, établir des institutions nouvelles destinées à réaliser l'unité de l'administration et de la juridiction dans leurs États. Avant la fin du XVe siècle, les rouages par lesquels agissait le pouvoir central étaient encore en petit nombre et de plus assez mal ajustés. Autour du prince, il y avait bien, depuis le XIIe siècle, des baillis, des amams, des drossards, véritables fonctionnaires salariés et amovibles, qui avaient été substitués aux vieux officiers féodaux héréditaires. Mais leurs attributions, encore assez incomplètes, étaient en outre fort souvent annihilées par les nombreux privilèges dont jouissaient les communes et les corporations ecclésiastiques. Cependant, nous avons vu plus haut qu'au milieu des troubles du XIVe siècle, le besoin d'institutions centrales, de coordination entre les pouvoirs, de hiérarchie dans l'administration, se faisait partout sentir. Philippe de Lède conseille à Guillaume de Hollande l'établissement de cours suprêmes de justice. Louis de Mal fonde la chambre légale de Flandre et essaie de lui soumettre, en appel, les sentences rendues par tous les tribunaux du comté. À Liège, Jacques de Hemricourt plaide en faveur de la juridiction suprême de l'évêque. Les ducs de Bourgogne trouvèrent donc le terrain tout préparé pour leur politique de centralisation monarchique. Ils s'inspirèrent naturellement, pour leurs réformes, des modèles français. Les institutions qu'ils introduisirent dans le Pays-Bas sont calquées en grande partie sur celles qui fonctionnaient alors à Paris et à Dijon. C'est par la Flandre qu'ils commencèrent. En 1386, Philippe le Hardi installe à Lille une chambre du conseil de Monseigneur le Duc ordonnée dans son pays de Flandre. Cette chambre comprenait 2 sections, un conseil de justice et une cour des finances ou des comptes. Mais la division du travail ne tarda pas à s'effectuer plus complètement. En 1405, Jean sans peur sépare le Conseil de justice de la Cour des comptes. Ces deux institutions se répandent rapidement. En 1404, une chambre de niais est créée à Bruxelles. En 1446, on en fixe une autre à La Haye. En même temps, au cours du XVe siècle, les conseils de justice sont organisés en Brabant, à Namur, à Utrecht, en Hollande et dans la Gueldre. Les institutions nouvelles ne pouvaient manquer de provoquer, pendant les premiers temps, des froissements nombreux. Si le peuple des campagnes et des petites villes avait applaudi à une réforme qui les débarrassait de la tyrannie des grandes communes, celles-ci ne cessaient de protester au nom de leurs privilèges. De toutes leurs forces, elles cherchaient à empêcher les cours supérieures de réviser les sentences rendues par leurs échevinages. D'autre part, on se plaignait du nombre excessif des jurisconsultes bourguignons, appelés par les ducs dans les Pays-Bas, de leur ignorance des vieilles coutumes et de la langue nationale. Toutefois, peu à peu, à mesure qu'il fut donné satisfaction aux griefs, que le nombre des conseillers étrangers diminua, que la procédure dans la langue des plaideurs fut introduite, on finit par apprécier les bienfaits du nouveau régime. À la longue, il entra dans les mœurs, et lorsqu'après la mort de Charles le Téméraire, les grandes villes, pendant quelque temps, se trouvèrent de nouveau toutes puissantes, elles se gardèrent bien de le renverser. Les conseils de justice introduisirent définitivement dans les Pays-Bas la pratique de l'appel. Ils régularisèrent la procédure et le droit, développèrent les attributions des parquets. Ils avaient en outre à contrôler la gestion des baillis et des autres fonctionnaires ducaux. Quant aux chambres des comptes, on peut juger de leur efficacité quand on songe aux énormes ressources dont, malgré des impôts relativement peu élevés, les ducs de Bourgogne disposèrent constamment pendant leur règne. Au-dessus des institutions dont on vient de parler, Charles le Téméraire en a établi une autre, qui en est comme le couronnement, le Parlement de Malines, 1473. Par là, il a voulu achever de donner aux Pays-Bas le caractère d'un État indépendant. Jusqu'alors, en effet, le Parlement de Paris, se fondant sur les droits de suzeraineté du roi sur la Flandre et l'Artois, n'avait cessé de battre en brèche la souveraineté des ducs en évoquant devant lui les sentences rendues par leur conseil de justice. Cette situation prend fin par l'érection de la Cour suprême de Malines, devant laquelle doivent être portées désormais, à l'exclusion de toute juridiction étrangère, les causes introduites en appel, sans distinction de territoire. Ainsi, à l'avenir, de même qu'ils n'ont plus qu'un souverain, les Pays-Bas ne forment plus qu'un ressort judiciaire. Autour de sa personne, pour l'aider dans l'exercice du gouvernement, le duc a deux conseils. Le premier, le conseil privé, est composé de grands dignitaires de l'État, maréchal de Bourgogne, chancelier de Bourgogne, etc., et de membres de l'ordre de la Toison d'Or. C'est une sorte de conseil des ministres. Le second a plutôt le caractère d'un conseil d'État. Formé surtout de jurisconsultes, il connaît les débats dans les diverses provinces, des conflits de juridiction, des aides et subsides, etc. Nettement centralisatrice et monarchique, la constitution des Pays-Bas sous les ducs de Bourgogne est pourtant fort éloignée de l'absolutisme. Les États ont conservé, dans les divers territoires, le droit de voter l'impôt. Bien plus, ils ont été renforcés et complétés par l'institution d'États généraux qui, périodiquement, réunissent autour du prince les délégués des trois ordres de toutes les provinces. Ainsi s'achève l'œuvre de cohésion. Les Pays-Bas ne sont plus seulement une fédération de principautés soumises à l'action d'un même pouvoir souverain. Les anciennes barrières tombent, les diversités locales s'affaiblissent, le particularisme diminue. Une nation moderne est en voie de formation. Fin de la section 36, lue par Isade.